bien. Je mets mes yeux derrière des italiennes, le reflet de mon âme, il a pris de la valeur ajoutée. Les 24 bougies, devant le logiciel, les pommettes rougies. Je dilue plus la veau, parce que je bois plus la veau, vos bas prix. A trop avoir soif de connaissance, on va te prendre ton œil comme Mimir. Je suis plus trop sur le radar, j'ai pris ma quiche, je recover. Tout en silence, les ailes se déploient. Et les clowns on déplore, c'est nous les clous dans le décor. Le reste c'est les danseurs. Gigote pour ton cachet, gigote sous l'effet des cachetons. Gigote pour ton avance, gigote pour dépasser le plafond. De 25 je sors un 2000 ou bien un Simon Tissot. Un 3 pièces de sa ville pour plus me sentir comme un pisseux. J'ai pas trouvé la voie, peut-être dans un x8 je verrais mieux. Entasser des objets canés, laisser quoi après. Le souvenir d'un homme dans ses travers, qu'un marchandé sa peine. Chaque jour j'essaie de faire sourire le môme, enfermé dans la geôle. Élite en sabotage, depuis l'époque où j'ai des trucs. Au fond du vide ordure que même Ouranos n'a pas vu. Pas le moral, j'écoute Freeman, je sors un 12 ans ma calane. Cramer la mèche jusqu'à la canne, jusqu'à les orties sur ma tombe. Togo Nikito, Fivan. Ok encore, je sais même plus frère. Je sais même plus on est combien frère là-dedans, là-dedans. À la fin, personne pour m'absoudre. Faut que maman m'apprenne à coudre, ou que mamie m'apprenne à coudre. Qui pourra fermer les plaies? À part les trois femmes de ma vie, le silence est unanime. Les deux mains dans le brasier, à la recherche de l'ambroise. Y'a aucune machine qui va me broyer, parce que je le fais avec les boyaux, comme si je devais un loyer. Faut que je laisse des sasem aux petits, les deux pieds dans le bayou. Je crève l'écran comme Joe Pesci, je pète la forme sous Endo. Nique ton féfé Enzo, une écurie, un rancho. Je vais demander au Père Noël, celui que je voulais en Playmobil, celui que j'ai reçu dans mes rêves. Today là, ça, ça est béton. J'ai fait un méchant smile, même si je veux pas prendre ça pour acquis. Et je me dois de te remercier, toi, celui qui m'écoute. Et je me dois de remercier les miens, ceux-là qui m'épaulent. Maquila sur les landes au loin, marcher jusqu'à l'extase. Petit Aquila dans le vent en haut, en mémoire de ses larmes. Je veux que les petits frères soient témoins, qu'on n'a jamais baissé les armes.